dans les chansons. C'est la faute à la crise, les gens vous le diront. Nous autres dans le rock'n'roll, qui étions bien planqués, d'un mi, d'un do, d'un fa, faisions notre liné. J'ai mis mon Jock Silver à Marc Distributeur pour aller chez Leclerc, choper des lamineurs. Mais là sur l'étagère, il n'en reste plus guère. Seul subsiste solitaire, une boîte de camembert. Mais là, c'est la cata, y'a plus de stock de fa. La crise est belle, elle est vulgaire, elle sévit jusque dans nos airs. Pour résister, on va vous faire de bons solos pas chers. Tête peinte à au rabais, la crise est belle, elle est vulgaire, elle sévit jusque dans nos airs. Pour résister, on va vous faire de bons solos pas chers. Des pâtes à au rabais. Une fille gratuite sans doute, un refrain hard discount. Ah mon Dieu, quel bonheur d'être un musicien amateur. Y'a vraiment rien de meilleur qu'un mi majeur avec du beurre. Hélas, c'est la cata, y'a plus de stock de la. La crise est bête, elle est vulgaire, mais tant qu'il y aura du camembert, comptez sur nous pour vous faire de bons solos pas chers. Des pâtes au rabais. La crise est bête, elle est vulgaire, mais tant qu'il y aura du camembert, comptez sur nous pour vous faire de bons solos pas chers. Des pâtes au rabais.